Vous écoutez? La croche-oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 sur le poste radio et qu'on retrouve à ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gosselin, microphone, heureux de vous retrouver. Je poursuis cette semaine avec vous l'écoute des projets présentés dans le cadre du concours 60 secondes radio. Ce concours qui consiste à encourager de nouvelles écritures sonores et radiophoniques dans un format de 60 secondes. Sur ce concours lancé en 2015, il faut savoir qu'il rayonne de par le monde et par le truchement de nombreuses stations radio. Je laisse à Boris Chassagne, l'idéateur du projet, nous parler du formidable rayonnement du concours depuis sa création. Eh bien, mon intention au départ, c'était de diffuser ces capsules-là au top de l'heure dans 60 radios. Alors, je me suis attelé à la tâche. J'ai approché tranquillement des radios. Bon, j'en ai jamais eu 60 en même temps. Hein. Ça, c'est malheureusement, ça, j'ai pas réussi ce pari-là. Tranquillement, Radio Campus Bruxelles, Radio Campus Paris, Radio Campus Grenoble, la Escuela de Radio TEAFM en Espagne, à Madrid, en Espagne. Radio Tsunami au Chili, j'en oublie, Framework en Estonie, pour des paysages sonores. On a monté par exemple une émission spéciale de paysages sonores pour Framework en Estonie. La radio Diffusion FM en Australie aussi a été parmi nos premiers partenaires. Donc, de temps en temps, Radio Grenouille, Jet FM en France. Les festivals, comme là en juillet, on sera au festival Rien à voir. On vient d'être le week-end dernier à Paimbœuf, aux abords de la Loire, dans lesquels on a diffusé des capsules dans les Venelles, aux abords de la Loire. On a été au festival, dans des festivals de cinéma aussi, qui avaient monté des dômes d'écoute. On a fait des soirées d'écoute publique. En collaboration avec Foniorgia Nova en France. Donc, vraiment, on a été à l'extérieur et à l'intérieur et sur les ondes avec des œuvres de création radiophonique, ce qui est pour moi absolument merveilleux. Alors, sur ces paroles de Boris Chassagne, je vous propose la suite des écoutes entamées la semaine dernière des projets sonores présentés dans le cadre de l'édition 2025 du concours 60 secondes radio. For instilling in me hate, for this weight, for teaching me that black is bitter, for teaching me that black is litter. I curse you for tainting and taunting a girl on the verge of TED. For bleak, for green, for then. I curse you for instilling in me hate, for this weight, for teaching me that black is bitter, for teaching me that black is litter. I curse you for tainting and taunting a girl on the verge of 10, for bleak, for grim, for dead. Para papá, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. سنة حلوة يا بولا سولي حنا سولي حنا سولي حنا إيس يا موسى First second or second minutes. Monophonic moment. First, second, or second minutes. On veut dire que le lac Ossico était le point névralgique. parce que les gens se construisaient tout autour. Pour deux raisons. D'abord, on n'avait pas de chemin. Fait que, étant donné qu'on pouvait aller d'une place à l'autre, de la mine à chez nous, chez les voisins, en chaloupe, c'était plus facile de se promener sur le lac. Alors, le lac, c'était le point central de tout le monde. Là, je vous parle en 624. L'eau était très bonne, on se baignait, on en buvait, et puis on pêchait. Dans l'air, tant qu'il reste de l'eau, non. En ce qui concerne le lac Ossisco, maintenant, le lac n'est plus possible de s'y baigner depuis je ne sais combien d'années. En ce qui concerne la pollution créée par les opérations minières, c'est du domaine provincial. C'est au ministère de faire appliquer ces règlements pour que la vie du lac soit prolongée. La guerre était terminée, mais je continuais à écrire des lettres d'amour aux pilotes. Je me levais dès les premières lueurs de l'aube, souriais aux photos suspendues au miroir, et je m'installais pour écrire. Dorian laissait toujours trop de chair sur la peau du melon. Il ne se coupait jamais les cheveux quand la lune était croissante, et il s'endormait en murmurant mon nom, avec cette respiration de chien truffier malchanceux. La tristesse de Holden, un mélange de défaite et d'un infime d'espoir d'avenir, était la plus grande des bêtes terrestres. Parfois, mes caresses, ou la lumière tamisée d'un cinéma, réussissaient à atténuer l'absence d'une autre femme, et la douleur laissait place à quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. J'écrivais chaque jour à mes pilotes, car dehors, tout était gris. Je chauffais le café dans une vieille casserole, je fermais les enveloppes, laissant une empreinte discrète de carmin. Je mettais le manteau qui avait appartenu à ma mère, puis je partais vers la boîte aux lettres, criblée d'éclats de balles. En revenant à la maison, après avoir changé les fleurs des tombes, je me sentais en paix. Les gens du quartier disaient que j'étais folle, que je n'étais qu'une vieille fille aigrie. Mais maintenant que la guerre a de nouveau éclaté, la seule maison qui n'a pas été bombardée, la seule qui est toujours debout, c'est la mienne. Text to voice. Voice to movement. Movement to paper. Paper to voice. Voice to sound. This is what I found between the found and lost. In lost, this is what we found. Disassembled in pieces, in peace, able to digest, able to rest, covered in rust, rust is incorporating, in corpo, longing for lo-fi, I wonder if my lungs belong to any of these murmurs. Thank you. Families with new babies may be especially interested in hearing of the Lord's plan for his children in this mortal world. Parents experiencing problems with their children many times are looking for answers. Those who have lost a loved one in death may be ready to hear the truth of eternal life. The second step is for the member family to arrange to lead great appropriate activities. The family they've selected for friendship. The member family also enjoy the activities of the morning arrange. Borrando todos los recuerdos. Creo que deberíamos dejarlo. No te entiendo. No te entiendo. Creo que me estoy cansando de ti. Estoy harta de ti. Me has decepcionado. Podemos seguir en contacto. Me has decepcionado. No sé a dónde. Mis amigas dicen que no me haces bien. Soy muy diferente a lo que piensas. Quiero volver a pasar por esto. Oye, no sé esto. Soy muy detallista. No me apetece ir hoy al cine. Me gusta cuando vamos al cine los dos. No sé lo que tú te crees. Creo que puede surgir algo muy guay. Espero que no acabemos como los demás. Esa gente es muy... Soy muy detallista. Es divertido ir al cine. Oye, no sé lo que tú te crees. Es divertido ir al cine. No sé esto. ¿Por qué no te quedas un poco más? Creo que puedes ir. ¿Y tu nombre era? El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, que solo acepta sus oraciones y rechaza sus deseos. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hold now. 1900. Stalat. Happy 11th anniversary. Thank you. I think I'll start with the karaoke gnocchi, and then I'll have the tortellini blini. And does that come with anything on the side? Just a little bit of twisted pig. Oh, and let's have some of that fresh buffalo truffalo mandible soup. And what's today's special? Masked eyeball? No, I don't think so. How about the trout? Stiff trout. Yes, and a bottle of your finest 1952 Chateau Surréaliste on ice. There once was an old man and an old woman, and they had a hen called Ryaba. The hen laid an egg, but not an ordinary one, but a golden one. The old man hit it, but could not break it. The old woman hit it, but could not break it. They both hit it, but could not break it. A mouse ran past, waved its tail. The egg fell and broke. The old man and the old woman cried. The hen cackled. Don't cry, old man. Don't cry, old woman. I've laid a new egg. Not a golden one, but an ordinary one. Time is not a well-understood concept. It's not even agreed whether it exists independent of the human mind. The way I think of time is it's necessary for metabolism. You know, we are not in an instant anything. To be a person, you have to spread out through time like a musical composition. Thank you. surfaced since New York City has provided us that out of imperial. None of them reflect more than about a third of the sunlight that strikes them. Is this ever been darkened by carbonaceous material? Las únicas voces que van quedando. En estos momentos estoy escucha el segundo plano. No tengo que escucha no el segundo aquí. Plano. Escucha y entonces, el segundo plano. Y el otro. Escucha el otro. Los únicos recuerdos. Y entonces, tres años después. Tengo que escucha. Dos, tres años más. Entonces. Teniendo escucha el segundo plano. Escucha el segundo plano. Escucha el segundo plano. Y entonces. Y entonces. Escucha el segundo plano. Father, the moon, its mother, the wind, hath carried her in it pretty well. The father of all protection, its force are packed. To prevent the sun from the cross, sweetly. Receives the force things Voilà ce qui complète la première demi de l'émission consacrée au projet présenté dans le cadre du concours international 60 secondes radio, édition 2025. Restez des nôtres, on poursuit ça en seconde demi. À tout de suite. Écoutez, c'est KRL. Radio. Vous écoutez La Croche-Oreille. On est de retour, vous écoutez La Croche-Oreille, je vous propose ce soir l'écoute en continu des projets sonores présentés dans le cadre de l'édition 2025 du concours international intitulé 60 secondes radio. Aux yeux de son initiateur et coordonnateur Boris Chassagne, 60 secondes radio demeure un concours essentiellement participatif, sans frais, visant à faire connaître, reconnaître et récompenser surtout le mérite de la création radiophonique. On écoute là-dessus Boris nous parler des défis d'un tel concours. Le défi, c'est le financement, comme toujours, comme tout. Hein? Enfin, on est dans les arts. Le financement, donc renforcer l'organisation, bonifier les récompenses qui sont données aux artistes, mieux structurer, aller beaucoup plus loin en termes de diffusion. J'aimerais bien investir les salles de cinéma. Je sais qu'à Québec, il y a des choses qui se font à ce niveau-là. On écoute des œuvres en salle, des œuvres radiophoniques en salle. Ça, j'aimerais le faire. J'ai failli le faire, d'ailleurs, avec le festival du documentaire ici à Montréal. Ça, ce sont des choses que j'aimerais beaucoup faire, mais surtout mieux récompenser les artistes et être plus présent sur les ondes d'une multitude de radios en même temps, dans la même année. Donc, vraiment, renforcer le réseau de diffusion et puis être plus généreux. C'est ce qui m'intéresse. Alors, voilà. Merci, Boris. Dans la suite des projets diffusés la semaine dernière, j'enchaîne à l'instant et sans interruption avec des projets soumis dans le cadre du concours 60 secondes Radio Édition 2025. Alors, bonne écoute. Plus de 350 ans d'histoire, la Baie du Son, la plus vieille entreprise au Canada, pourrait devoir fermer boutique prochainement. Après avoir encaissé la déception, les clients de la Baie se sont mis en mode action pour profiter des soldes de faillite. Vous êtes nombreux, vous êtes précipités en boutique. Ça te fait, toi, que la baie va fermer? Ça me fait pas grand-chose, pour être honnête. Je m'en fous un peu, là. La baie, les department stores, c'est out depuis longtemps. OK. Ben bonne chance avec tout ça aussi. Bonne chance avec la fermeture. Merci beaucoup. Ça, j'ai besoin. Au revoir. Au revoir. Thank you. correre avanti doppio, piano, piano, non corriamo avanti, piano. Enfin, j'ai chuté fort fort sur le sol, bouche contre sol, perdu dedans, de la rangée du haut. C'était pas beau, alors on m'en a mis des nouvelles, des plus belles. Aujourd'hui, dans ma bouche d'adulte, dedans provisoire, en attente des nouvelles nouvelles. Dedans tombé, nous sommes vendredi soir, demain c'est week-end, et trou dans la bouche. Bouche en forme de fer à cheval avorté, bouche en forme d'arc-en-ciel gris. De cette bouche crevée, l'air et le peu de paroles fuient. Je me dégonfle. Dedans moi, vois, parle-moi. Vois, situe-moi. Donne-moi forme. Quand va cesser le texte, cesser l'histoire, je vais cesser aussi. Me perdre, disparaître, dedans, dehors du monde, comme un enfant. Quand tu pars d'une gare du bout du monde et que t'es au bout de ta vie, si tu t'assois en marche arrière, tu rajeunis. Et sans doute que quand tu seras arrivé à destination, tu seras né. Je trouve beaucoup de fleurs dans les champs. Moi aussi, j'irai des roses qui sont très très belles. Peut-être jaunes et roses. Moi, quand j'aurai plus de moi, je suis pressée de être grande parce que j'ai envie de me marier avec Maëlle. Le soleil, il nous suit. Les choses qu'on aime bien. Profiter du bonheur, profiter des choses qu'on aime bien. Ma femme, à la chevelure de feu de bois, aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de sapinée, ma femme à la taille de loutre entre les dents du tigre, ma femme à la bouche de cocarde et de bouquets d'étoiles de dernière grandeur, aux dents d'empreintes de souris blanches sur la terre blanche, à la langue d'ambre et de verre frotté, Ma femme au sexe de placère et d'ornithorynque. Ma femme au sexe d'algues et de bonbons anciens. Ma femme au sexe de miroir. Ma femme aux yeux pleins de larmes. Aux yeux de panoplie violette et d'aiguilles aimantées. Ma femme aux yeux de savane. Ma femme aux yeux d'eau pour boire en prison. Ma femme aux yeux de bois toujours sous la hache. Aux yeux de niveau d'eau. De niveau d'air, de terre et de feu. Fenster aus und komm ins Narrenhaus. Lately, I've been feeling kind of overwhelmed, like my brain's juggling too many tabs at once and forgetting what half of them were for. Everything feels a bit louder, faster, and more demanding than usual. Even small tasks kind of seem to pile up like a never-ending to-do list. Like my brain's juggling too many tabs. My body's in on it too. And forgetting what tight shoulders, tired eyes, and everything feels a bit louder. I need a nap. Feeling by noon. And more demanding than usual. I'm doing my best to keep up. Even small tasks seem to pile up. It feels like I'm running on low battery. Still, my body's in on it too. I try to laugh it off when I can. Tight shoulders. Take deep breaths. Tired eyes. And remind myself that it's okay to pause. It's just one of those phases where I need a little extra kindness. Feels like I'm running on from myself, most of all. Still, I try to laugh it off when I can. Take deep breaths and remind myself that it's okay to pause. It's just one of those phases where I need a little extra kindness from myself, most of all. Voilà ce qui complète l'émission de ce soir consacrée aux œuvres présentées dans le cadre du concours annuel 60 secondes radio. Bon, le temps manque pour compléter le répertoire complet des créations en compétition, mais j'en diffuserai dans le cadre d'émissions prochaines. Vous trouverez, cela dit, l'ensemble des créations sonores du concours en écoute libre sur le site 60secondesradio.com. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Ça se termine ainsi pour ce soir. Je suis de retour dimanche prochain, 21h, sur les ondes de CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore au microphone depuis les studios de CKRL à Québec, dans le quartier Limoilou. C'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.